parce que son art oratoire, il est créé en fonction d'une mémoire bien ajustée, bien, dont les rouages sont bien définis par l'expérience, la lecture, et ainsi de suite, la mémoire. Tandis qu'un homme qui n'est pas dans cette condition-là va parler d'un autre langage, d'une autre façon, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Il pousse les mots dans l'espace. Et c'est ça, créer de la connaissance nouvelle pour l'humanité. Autrement dit, dire des choses pour l'homme qui n'ont jamais été dites sur la planète Terre et qui servent à augmenter le pouvoir vibratoire de l'esprit chez l'homme, de le rendre libre pour qu'il puisse faire la connexion avec la planète d'origine, pour qu'il puisse éventuellement sortir de son corps matériel, pour qu'il puisse éventuellement étudier les conditions astronomiques de l'univers invisible pour connaître toutes les lois de cet univers-là et comprendre les lois de la matière. Ce qui sera la nouvelle évolution sur la nouvelle planète, la nouvelle civilisation. Quand vous posez des questions, là, quand vous posez des questions, vous devriez toujours savoir la réponse d'avance. Si pose une question, c'est la réponse d'avance, ta question va amener du raffinement dans la réponse. C'est tout ce qu'elle peut faire. Mais si tu poses une question et tu ne sais pas la réponse d'avance, tu te fourvoies au niveau de ta mémoire ou au niveau d'une d'une astralité quelconque. Mais si tu poses... Il y a des gens qui me disent des fois, « Je savais que tu étais pour me répondre ça. » Ça, ça me fait plaisir. Quand des gens disent, « je savais que non, je savais donc. » Ça, ça me fait plaisir. Parce que automatiquement, ça démontre la connexion entre leur esprit et la planète d'origine. Même s'ils n'ont pas accès expérimentalement à la planète d'origine, ils sont dans le flux de cette relation-là. Mais l'ego n'est pas habitué. Fait que l'ego a tendance à demander, puis il sait répondre, puis il a tendance à demander pareil. Il y a du monde qui me demande des questions, puis il savent la crise de réponse, puis il me demande pareil. Jusqu'à temps qu'il se donne, puis après c'est mon rythme. Mais ça, c'est parce que l'ego n'est pas capable de supporter le poids de l'esprit qui reçoit l'information de la planète d'origine. Et c'est ça qui crée le doute chez l'individu. C'est ça qui diminue son intelligence. Est-ce que... Ça, je suis sûr que beaucoup parmi vous en ont fait l'expérience, c'est ce que je dis. Tantôt, quand je disais un monde en soi, je veux dire un monde en soi, je veux dire un monde par lui-même, c'est-à-dire que la connexion avec la planète est par lui-même un monde, pas un monde en soi. Ouais, mais je ne l'avais pas interprété non plus comme un monde en soi, moi. Quand tu me l'as dit. Tout ce que j'ai fait quand tu me dis ça, j'ai interprété la forme du mot. C'est pas un monde en soi, même de l'autre façon dont tu l'expliques. C'est la vie. Ouais. Si tu dis que la vie, ce qu'on appelle la vie, dans le sens le plus réel, c'est un monde en soi, tu nies la vie. Parce que dans la vie, il n'y a pas de monde. Le monde n'existe que dans la galaxie matérielle. Le concept d'un monde, c'est un concept globulaire, c'est un concept solaire, c'est un concept gravitaire, c'est un concept magnétique, galactique. Ça, c'est un monde en soi. La galaxie, c'est un monde en soi. Mais ces plans-là, ces dimensions-là, ces régions de l'esprit, ces espaces-là de l'esprit, la vie de ces éthers-là, c'est pas des mondes en soi. C'est la vie. Puis demandez-vous dans votre tête, pourquoi j'opte pour ma définition plutôt que celle que tu dis qui pourrait être intelligente. Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Un monde, c'est quelque chose de fini. Ça, c'est la meilleure. Un monde, c'est quelque chose de fini. Et ça, ça n'a pas de fin. Et la seule chose, la seule, il n'y a plus de mots, là. La seule réalité qui n'a pas de fin, c'est la vie. Mais la vie a été obligée de créer un monde pour son expression. C'est le monde qu'on connaît. C'est la vie qui a créé la galaxie, les mondes matériels. N'oubliez pas que nous autres, tant qu'on est dans la matière, même si on est dans notre intelligence, on est forcé par les conditions d'incarnation d'observer les lois de la forme matérielle. Sinon, on verra dans l'invisible. Et si on voyait dans l'invisible, on verrait que ce n'est pas un monde en soi. C'est la vie. Mais pour comprendre qu'est-ce que c'est la vie, il faut être là. Quand tu es là, tu sais qu'est-ce que c'est la vie. Mais à ce moment-là, tu n'as plus d'illusions sur la vie planétaire. Autrement dit, quand tu vas là, autrement dit, quand tu sors de la matière, tu n'es plus intéressé tellement à rester dedans. Quand tu vas là et que tu vois l'organisation et la programmation de l'homme, ou comment la vie programme l'homme, tu n'es plus capable de souffrir des niaiseries subjectives et émotives de l'homme. Autrement dit, tu n'es plus piégé par, par la limitation de tes sens. C'est pour ça que ça me fait rire. Je vous dis ça avec respect, parce que je respecte la souffrance de l'homme. Mais ça me fait rire quand le monde vient me voir et me dit « j'en ai plein le cul ». Je dis « oui ». Quand je le dis, je le dis « mais oui, c'est tough en enfant de chienne ». Mais en dedans, moi, ça me fait rire. Parce que moi, en dedans, moi, je sais combien de temps ça va durer, puis je sais combien de temps il va être content après, puis je sais, t'sais. C'est ce que je te dis. C'est comme je disais « ben oui, pas petit vieux pote, mais tout à l'heure, tu vas être content après, tu vas la gueule fendue du coup d'oreille, t'sais. C'est le même. Fait qu'en attendant, mais comme je vous parle à vous autres, je suis obligé de respecter la convention de notre relation. Fait que je dis, ben oui, c'est tout à fait, je peux t'aider. Mais dans le fond, je dirais, crisse-moi dans la paix, vis-la donc ta crise d'expérience, demain tu vas être content. T'sais? Mais je vous parle pas de même, parce qu'il faut quand même. Mais moi, quand j'ai vécu mon expérience, c'est comme ça qu'il me parlait. Parce que moi, j'avais pas Bernard à Montréal pour me donner un coup de main. Comme c'est des chiens. J'ai goûté jusqu'au bout. Mais, il faut toujours sympathiser avec la souffrance humaine. Des fois, je vois des gens, je dis, comment ça va? Ah, ça va mal. Ah, c'est vrai, ça va mal. Tu veux faire? Quel sourire que t'as là. Hein? Des fois, je le dis, c'est bon. Pas tout le temps. Pas découragé. Mais ça dépend des personnes. Fait que ce qu'on appelle la vie, c'est pas un monde en soi. La vie, c'est... La vie, c'est une énergie intelligente, comprise parfaitement par l'esprit, parce que l'esprit fait partie de cette énergie-là. Autrement dit, la vie, c'est le rapport parfait entre l'esprit et l'énergie dont ou d'où il prend sa source. Alors, quand l'esprit est capable de prendre sa source, l'énergie à sa source, qui est la planète invisible, il peut communiquer à l'homme dans la matière cette énergie-là. Et selon le temps et les circonstances, l'homme dans la matière connaît, comprend le pouvoir de la vie sur la Terre. S'il est en dehors de son corps, il connaît les lois de la vie. Mais il y aura toujours une séparation entre l'esprit et la matière. Toujours. Heureusement, sans ça, l'homme ne sera pas intéressé à vivre dans la matière. Mais il y aura de plus en plus une grande union entre l'esprit et la matière. Ça sera la nouvelle science. Et plus l'union entre l'esprit et la matière deviendra grand, plus le pouvoir de l'esprit dans la matière sera manifeste, donc plus la civilisation sera haute, la septième race, par exemple. Rendu à ce moment-là, l'homme pourra projeter dans la matière ses pensées, au lieu de les recevoir ou de les vivre simplement dans son mental. Là, ça sera la fin d'un cycle, d'un grand cycle. Et à partir de ce moment-là, l'homme sera homme-esprit. Et à partir de ce moment-là, l'homme retournera à sa planète d'origine. C'est-à-dire, son esprit retournera à la planète d'origine. Ce sera la fusion totale, finale. Et à partir de ce moment-là, la planète d'origine, qu'on appelle l'ajusteur de pensée, et l'esprit de l'homme formeront une unité parfaite. Et cette planète-là se déplacera dans le cosmos, dans ce qu'on appelle le cosmos, ou dans les champs de vie, ou dans les espaces de vie. Et là, il y aura création de nouveaux univers, totalement neufs, non habités par des formes biologiques. Puis ça sera la continuation de la création. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut parler en fusion de ce qui n'est pas de la matière. Mais mon expérience de quelques années me démontre qu'on peut parler longtemps dans la fusion de ce qui n'est pas dans la matière. D'ailleurs, mon instruction repose sur ça. Mon instruction repose sur le pouvoir de parler très longtemps de ce qui est de la vie, d'expliquer la vie pour bien comprendre la matière. Ça, c'est mon instruction, c'est mon travail. Alors, plus je parle, plus j'amène graduellement d'informations des mondes de la vie au monde de la matière, donc plus les hommes peuvent comprendre la relation qui existe entre leur esprit et leur ego pour en arriver à une plus grande fusion, pour en arriver à une plus grande compréhension, pour en arriver à une vie de plus en plus stable, pour que l'homme puisse vivre sur le plan matériel, surtout vers la fin du cycle, un état suffisamment stabilisé pour qu'il puisse prendre part aux grands événements qui vont marquer le début de l'autre cycle. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'homme périsse, il ne faut pas que l'homme perde son corps matériel, il ne faut pas que l'homme devienne fou, il ne faut pas que l'homme dépérisse psychologiquement. Autrement dit, il faut que l'esprit rentre de plus en plus en lui pour que le mental, l'émotionnel et le vital deviennent des corps extrêmement vibrants pour que, quand la fin du cycle va se faire et que les contacts entre les mondes de la vie et les mondes de la matière se fassent, ce que vous appelez vous autres le retour du Christ, là, pour que, quand ça se fera, les hommes qui sont sur la terre, ou les esprits qui sont incarnés, puissent comprendre ce qui se passe, travailler avec ce qui se passe, bénéficier de ce qui se passe, et ne pas sombrer dans l'astralité d'un phénomène qui va éteindre la cinquième race. Si tu vas dans un cirque, puis tu vois un feu d'artifice, puis tu sors de l'aveugle, t'es mieux d'y avoir jamais été. Oubliez jamais ceci. C'est que la seule différence entre vous autres et moi, c'est de fusion. Donc la seule différence entre vous autres et moi, c'est de fusion. Donc, la seule différence entre vous autres et moi, c'est de fusion. Ce n'est pas d'esprit. C'est important. Si vous comprenez ça, que la seule différence entre vous autres et moi, c'est de fusion, vous prendrez conscience de l'importance de votre intelligence. Vous prendrez conscience de l'importance de votre intelligence. Et vous ne vivrez que de l'importance de votre intelligence. Vous ne serez lié qu'à votre intelligence. Donc, vous vous délierez éventuellement de moi pour rentrer dans votre intelligence. Pour que vous rentriez dans votre intelligence, il faut que vous vous déliez éventuellement de moi. Moi, je fais un travail de préparation. Mais un jour, il faudra que vous vous déliez de moi. Parce que tous les hommes sur la Terre qui iront vers la fusion, seront seuls, devront vivre leur identité. Ah, parce que leur identité sera la manifestation de leur esprit à travers l'ego. Et les hommes ont besoin de ça. C'est pour ça que je souligne toujours l'importance de ne pas s'attacher psychologiquement à ma personne. D'écouter, de suivre pendant un certain temps, mais de ne pas s'attacher à ma personne. Parce que si vous vous attachez à ma personne, vous astralisez vos sentiments envers ma personne, donc vous vous enlevez de l'intelligence, donc vous vous enlevez de la volonté. Donc, vous vous soumettez par vous-même à la domination astrale qui fait partie de votre condition intérieure. Donc, vous vous rendez un disservice. Donc, vous retardez votre évolution. Oui. moi, j'ai un ami très cher. Un ami de la famille très cher. Très, très, très cher. Et dernièrement, j'ai coupé complètement ma relation avec elle. Complètement. Ça lui a donné un choc terrible. Complètement, complètement, complètement. Quand tu dis pas de cœur, là, c'est pas de sens. Complètement. Et là, elle commence à comprendre jusqu'à quel point elle était attachée à ma personne. Par elle-même, elle n'aurait pas pu le faire. Je l'ai fait. Coupé complètement, complètement. Des fois, elle appelle à la maison, elle me demande si je voudrais venir prendre un petit souper. Je dis non. Puis, froidement, comme ça, puis je fais venir. Bon. Très proche, très, très proche. Mais, elle est suffisamment objective, tu comprends? Puis, ça viendra ce temps-là où les hommes devront aller seuls dans le monde avec leur esprit. C'est bien plus facile que vous pensez de vivre en relation avec un homme qui sait. Mais c'est bien plus dur que vous vous imaginez de partir dans le monde avec son propre esprit. C'est facile pour vous autres, même si vous souffrez, c'est facile. Là. Parce qu'il y a toujours le tour du matériel, il y a un attachement qui se fait, même s'il ne para pas, il est là pareil, blablabla. Quand on part, quand l'homme part dans le monde seul, c'est un autre pédalement. C'est là que l'homme grandit. C'est pas avec moi que vous avez grandi. Avec moi, vous apprenez des choses. Vous apprenez à vous connaître. Mais c'est quand ça va cesser, ça. Tu sais, quand un jour, on m'a dit, j'en fais plus de séminaire, je ne vois personne, je m'en vais en Grèce, tu sais, c'est mon camp. C'est là, là, que vous allez grandir dans votre propre intelligence. Parce que là, vous allez être obligé de vous servir de vos propres moyens pour comprendre la relation entre votre esprit et votre ego. Puis j'ai hâte que ça arrive, ça. J'ai pas hâte parce que j'aime pas les gens que je connais, mais j'ai hâte que ça arrive parce que je sais que c'est bien important pour l'homme. Je conçois l'initiation solaire comme une grande tristesse. Je le conçois pas comme vous autres. Pour moi, l'initiation solaire, c'est une grande tristesse. C'est le déchirement astral. C'est pas un party, c'est pas une collectivation de l'âme, c'est pas une réunion de l'âme, d'âme. Éventuellement, ça devient un déchirement. Mais pour comprendre les lois de domination, moi je le comprends les lois de domination parce que ça fait partie de ma vie de les comprendre, mais l'homme ne comprend pas les lois de domination, l'homme ne sait pas jusqu'à quel point il est dominé. Et il n'est pas nécessairement dominé souvent de l'extérieur, il est dominé de l'intérieur, c'est par l'en-dedans, il se laisse dominer. Pour moi, l'initiation solaire, c'est un grand déchirement, c'est une grande tristesse, l'initiation solaire. Mais une belle grande tristesse. Tu vois, quand tu t'en vas en voyage, tu sais, quand tu pars en voyage, ou qu'il y a quelqu'un qui part, il y a un déchirement qui se fait, l'initiation solaire, c'est un petit peu comme ça. Lorsque l'esprit est fusionné totalement avec le jeu de pensée, en fusion même, chacun, là, ils sont fusionnés ensemble, là, pour pouvoir communiquer avec l'autre, etc., avec l'autre, ils fusionnent tout ça. Mais non, c'est totalement individuel, ils partent seuls. Non, s'ils peuvent te rencontrer, s'ils peuvent dialoguer, là, en créant, là. Ça dépend de leur travail, ça dépend de ce qu'ils font, ça dépend de leurs relations, ça dépend de la hiérarchie, ça dépend de l'évolution de l'esprit. Il y a des esprits qui travaillent ensemble. Il y a des esprits qui sont très près dans les domaines de la vie. Il y en a qui sont plus éloignés. Ça dépend à quel département vous êtes affecté. Ça dépend ce que vous avez à faire. Rendu à ce point-là, tu es plus tellement intéressé à savoir si ton chum il va venir demain soir. Il n'y a plus de sentiment humain. Là. Il n'y a pas de sentiment dans l'esprit. Le sentiment, ça fait partie de l'expérience humaine. Comme le gars qui veut absolument que sa femme soit fusionnée avec lui. T'sais. Il n'y a pas que je suis ensemble au bord. Oh, mais ça, c'est normal. Il est tellement beau. Le déchirement, il se fait quand tu réalises. Le déchirement, il se fait quand l'homme est amené par son esprit à être géré par son esprit et non plus à être géré par ses sentiments. C'est là que l'ego sent le déchirement. Pardon? L'ego vit un isolement. Il vit un isolement, ouais. Avant, ça passait par en bas, puis ça passait par en bas. Ouais. Puis rendu à ce point-là, mais l'esprit est tellement fort que c'est lui qui rend le show. Que l'ego veut et qu'il veut pas, il suit. Parce que là, il a rendu canal pas mal avancé, là. L'ego s'obstine pas avec l'esprit. Moi, quand j'ai vécu la fusion, il fallait que j'aille dans le jeune, il fallait que j'aille, je suis finale, Dieu veut pas y aller, c'est pas vrai. Canal. C'est un canal. Ouais. C'est un canal. L'homme devient un canal. C'est parce qu'on fonctionne complètement différent de ce qu'on fait. C'est ça qui nous fait peur. C'est qu'on fonctionne complètement différent de... Ouais. Vous fonctionnez totalement différent. Plus la fusion est grande, plus vous fonctionnez différemment. Puis si la fusion est très, très avancée, vous avez même plus droit à votre personnalité. C'est ça qui vous donne la chienne, ouais. Moi, le don de la personnalité, il est fait depuis 100 ans. Le don de la personnalité. Non, tu peux pas. Ce qui vous est cher. Cher. C'est ça. Si vous retournez un peu au séminaire, là, quand ceux qui sont venus au séminaire au début, puis vous regardez votre vie aujourd'hui, quoi, ça fait 2 ans, ça fait pas mal de changements. Imaginez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Parce qu'on change constamment. Constamment, on change. Plus l'ego et l'esprit s'ajustent, plus l'ego s'ajuste. Fait qu'éventuellement, ça paraît plus. Tu souffres plus éventuellement de l'esprit, tu bénéficies de l'esprit. Tu bénéficies de ton esprit. Mais ça prend du temps avant de bénéficier de ton esprit. Moi, je commence. Ça prend longtemps. 3 ans, peut-être, 4 ans, 3 ans. Puis, j'en bénéficie pas comme je pourrais en bénéficier en 84, puis en 87, 89. T'sais, plus tu avances, plus tu en bénéficies, parce que plus il y a un ajustement, puis un ajustement, puis un ajustement, puis un ajustement, puis un ajustement, puis un ajustement. Puis un ajustement. C'est pas mal, là. Mais c'est pas mon goût. 84, ça va être à mon goût. Puis après ça, j'arrête les séminaires. Ouais. C'est long, de bénéficier de l'esprit, c'est long, parce que bénéficier de l'esprit, ça veut dire que les corps sont ajustés. C'est ça que ça veut dire, dans le fond, bénéficier de l'esprit. Les corps sont totalement ajustés. C'est très fort, l'esprit. Plus ça juste, plus vous prenez conscience. C'est là que tu t'aperçois qu'il y a une perte de personnalité. Puis c'est là que vous développez votre réelle personnalité, qui est dans le fond la manifestation de votre identité, qui est la manifestation de l'esprit à travers la matière. Fait quand je parle à soi du soupir, le soupir deviendra la mesure du combat entre l'ego et l'esprit. Ça mesure, ça. Aussitôt que tu soupires un petit peu, tu vas voir qu'il y a de l'émotion, vous aussi. Tu vois que c'est l'ego qui réagit à la condition établie par les forces de son esprit. Pour moi, la vibration soupir et souffrance, c'est presque similaire. Ouais, ça va ensemble. Souffrir et soupir, ça va ensemble, définitivement. La moyenne de la petite souffrance, tu fais un petit soupir. Puis des fois, tu vas faire des soupirs et tu verras pas la souffrance. Tu vas essayer de la chercher dans ton esprit. Tu vas voir que c'est qu'il y a qui me fait soupirer. Tu vas voir que c'est telle chose. Il y a une relation entre la souffrance et le soupir. Et cette perception-là, qui fait partie de ta conscientisation, est importante. Parce qu'une fois que tu as ça sous contrôle, ça fait là, tu souffres plus bien. C'est une mesure de l'être humain ou du. C'est une mesure du bien-être de l'homme. Son soupir. Puis c'est très subtil, très subtil. C'est subtil comme de l'esprit. Il y a une chose que je voudrais vous faire prendre conscience. aussitôt qu'il y a quelque chose dans votre tête, il y a du travail qui se fait. Aussitôt qu'il y a quelque chose dans votre tête, il y a du travail qui se fait. Aussitôt qu'il y a quelque chose. Il ne devrait avoir rien dans votre tête. S'il y a au moins de quelque chose, c'est du travail qui se fait. Parce qu'il est invité, hein. Ça coûte automatiquement, il peut avoir du souper. Aussitôt qu'il y a quelque chose dans votre tête, il y a du travail qui se fait. Quand vous devenez conscientisé de plus en plus, vous le réalisez de plus en plus, ça, parce que vous savez que l'état le plus naturel de l'homme, c'est de rien avoir dans la tête. À moins d'avoir une très belle communication de l'esprit avec l'ego. Il parle, c'est clair et net, c'est plaisant, c'est une communication. Mais à part de ça, là, c'est du travail qui se fait. Puis regardez bien ça quand vous travaillez sur votre maison pour allonger les clous, puis on peinture des petites lignes d'un film, là. Là, ça rentre dans la tête, là. Aussitôt qu'il y a quelque chose dans votre tête, c'est du travail qui se fait. Aussitôt. L'homme, lui, inconscient, vit avec ça tout le temps, fait qu'il ne réalise pas. Fait qu'il ne mente pas parce qu'il meurt à 72 ans. Il en perd de l'énergie. Gallica, rappelez-vous de ça, le mot. Gallica. Ça peut vous amener à des expériences intéressantes, qui est le plan mental. Vous verrez ce que vous pourrez ramener en matière le lendemain matin. Un homme là, qui est attentif, là, autrement dit un homme qui est conscient, là, il apprend tout le temps de l'esprit. Il a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis éventuellement, c'est même plus des mots, c'est des vibrations, c'est quand même un petit filet d'énergie, c'est comme ça. S'il est attentif, là, hop, il y a quelque chose. Hop, il y a quelque chose. Ça s'arrête. C'est quelqu'un qui pense quelque chose, là? Je vous en parlerai plus tard. Y en a-t-il un qui pense quelque chose, là? Vous avez-tu la tête vide? Dans la transformation là, du passage entre la prise de conscience qu'on parle entre l'esprit puis l'ego, il y a une période où on peut appeler ça un genre de désorientation entre le fonctionnement qu'on avait avant, le fonctionnement qu'on commence à avoir, le fonctionnement où on s'en va. C'est comme si on savait tout, juste de quel côté ça fonctionne. Ça, c'est pour apprendre à vous mêler vos affaires. Apprendre à suivre le courant. Au lieu d'essayer toujours de le comprendre, le courant. Parce qu'on désire faire une chose, puis on s'en va quelque part, ça marche pas. Ouais. Il faut toujours de revenir en arrière. Ouais. Là, ça revient. Ouais. C'est un ajustement, ça. Ouais. À un moment donné, tu sens qu'il y a toujours un mouvement qui est en ligne. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Y a-t-il des questions sur sa conférence ce soir? Comment ça te tranquille au partout la star, là, comment? Ça change. Qu'est-ce qui me parle? C'est parce que la loi de cette planète-là, c'est de répondre instantanément à tout homme qui communique avec elle. Fait que quand l'homme communique avec cette planète-là, il y a une réponse, il y a une résonance de retour instantanée qui se fait. Le fait de dire ce mot-là, c'est de faire une aussitôt que vous pensez à ça, là, vous recevez de l'information. Alors, l'information, elle va toujours être ajustée selon votre astralité. Moins vous êtes astral, plus l'information est en haute teneur d'énergie. Plus elle est supramentale, plus elle est mentale. Si vous êtes dans le sommeil, si vous vous couchez, puis vous allez dans le sommeil et que vous vous servez de ce nom-là ou que vous communiquez avec cette planète-là, il y a des possibilités que vous soyez amené aussi à des relations avec cette planète-là dans le sommeil que vous pourrez reprendre dans votre conscience d'éveil le lendemain. C'est une clé vibratoire dans le fond, Gallica. C'est une clé vibratoire. C'est une clé vibratoire. Je peux pas vous dire comment ce qui est relié encore, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une clé vibratoire. Et si vous prenez conscience de cette clé-là, à ce moment-là, il y a un feedback qui se fait, qui peut varier à tous les exemplaires d'individus. Mais la raison pour laquelle je parle de Gallica, c'est pas nécessairement pour Gallica elle-même, mais c'est pour informer l'homme que il y a des planètes dans l'invisible qui, si elles sont interpellées, établissent un courant d'énergie entre l'homme et elles. Ce sont des lois absolues, instantanées, ça. C'est ça que je vous dis, si l'humanité communiquait avec Gallica à l'échelle mondiale, l'énergie qui serait reçue en retour servirait à changer sa vie. Mais l'homme n'est pas capable, on dirait que l'homme n'est pas capable de réaliser le concret de tout ce qui est invisible. Nos sens sont tellement denses, puis le fait que nos esprits sont dans des corps ou autour des corps, on n'est pas capable de réaliser. On dirait que la matière, pour nous autres, c'est plus réel que l'esprit. C'est là, notre problème. Et la matière, c'est pas plus réel que l'esprit. Et si on prend conscience de ça, à ce moment-là, c'est là qu'il se fait un transport d'énergie entre cette planète-là et l'homme. Il y en a d'autres, quel cas, ça n'est une. Je peux pas trop vous en parler de Gallica parce que en parlant automatiquement, je crée un retour d'énergie. Alors, si j'en parle trop, ça crée un retour d'énergie, puis ce retour d'énergie-là peut affecter un certain nombre de personnes. Pas tous, là, mais ça peut affecter un certain nombre de personnes qui sont très sensibles, comme Madame Robida. C'est ça que j'en parle pas. Et dans d'autres conditions, je pourrais vous en parler. C'est une planète qui a un très haut pouvoir de résonance, cette planète-là. Et s'il y en a parmi vous là, qui vivent des expériences en relation avec cette planète-là dans leur sommeil, parlez-moi-en. J'aimerais ça qu'on développe ça. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, Gallica? Nordia. Demandez-vous donc pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez Gallica sur votre écran mental? Tant qu'on est dans la matière, c'est pas tellement problématique, mais c'est dans le sommeil que ça peut être pas mal heavy. En tout cas, je vous lance ça comme ça dans le vent. Vous verrez. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est pour soutenir dans votre esprit le fait que dans l'invisible, les constructions dans l'invisible sont en fonction de notre esprit à nous. Et que cette réalité-là, elle est très grande, elle est très présente. Et les hommes peuvent la vivre, cette réalité-là. Moi, en tout cas, je sais très bien que dans mon expérience de cette réalité-là, ça change tout le courant de, pas de ma pensée, mais de mon comportement humain sur le plan matériel. Ça change toute la vibration de l'homme dans son mental. Si on parle de la pensée, puis de la pensée, de la pensée. Quand on parle de la pensée, on parle d'un mot. Mais la pensée, c'est une énergie. L'esprit qui est sur ces plans-là se sert de cette énergie-là. L'esprit peut voir ce que cette énergie-là peut faire. L'esprit peut voir ce que cette planète-là crée vers lui. C'est inouï. C'est inouï. Mais ramener le réel au matériel, c'est difficile pour nous. C'est comme les énergies qui meuvent la Terre, les courants océaniques, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre. Ces énergies-là viennent de ces planètes-là. Alors, quand l'homme, dans son esprit, regarde ça, regarde de l'autre côté de la matière, ce qu'il voit, c'est inouï. Ce qui lui permet de mieux comprendre la Terre. Aujourd'hui, l'homme vit dans son corps, mais demain, l'homme vivra en dehors de son corps, bien plus que dans son corps. La raison pour laquelle tu reçois cette information-là, c'est parce que le Graal représentait pour l'homme, pour les philosophes du temps, la grande recherche occulte, le grand mystère de la vie, l'origine des choses. Et quand l'homme va sur Gallica en esprit, il a la conscience de l'origine des choses. Il comprend l'expérience de la création des mondes ou des univers matériaux. Il, tu sais, l'esprit de l'homme, ça peut contempler n'importe quoi. Autrement dit, l'esprit de l'homme peut contempler le processus de la création des mondes matériaux. Alors, quand l'homme va sur ces plans-là, ce qu'on appelle des plans, si tu veux, il est capable de contempler le pouvoir de l'énergie créative formulée, manifestée par des entités ou des esprits. Il peut voir le déchaînement dans ces cosmos-là, dans ces plans-là, dans ces dimensions-là, de cette énergie-là. Il peut voir comment, ça dépend où il va, là, ça dépend où loin il va, ça dépend de l'homme, ça dépend de son esprit. Mais il peut voir, il peut contempler, réaliser, mesurer avec son esprit le phénomène de la création des mondes matériels. C'est dans ce sens-là que ça touche au grave. Mais, quand il revient, quand ça s'est imprimé dans son corps éthérique, dans sa mémoire éthérique, il faut qu'il soit suffisamment balancé humainement pour ne pas souffrir du backlash de ça. C'est pour ça qu'il nous est enlevé la faculté de penser. Quand tu n'as plus la faculté de penser, tu n'as plus la faculté de souffrir le poids de ce que voit ton esprit dans ces mondes-là. Fait que le lendemain, tu coupes tes carottes comme tout le monde. Mais si tu commences, si tu peux penser à ça... D'ailleurs, c'est pour ça que l'homme rêve. Pourquoi est-ce que les gens rêvent? Les gens rêvent. Le rêve, c'est une protection contre ça. L'homme va rêver tant qu'il ne sera pas capable d'aller en esprit dans ces mondes-là, si tu veux, pour employer ton terme, et revenir dans la matière sans penser à ce qu'il a vu. Le rêve, c'est une protection contre l'insanité, contre la folie, le rêve. Parce que l'homme qui pense, ou l'esprit qui n'est pas encore ajusté, ou les corps subtils de l'homme qui ne sont pas ajustés, et qui reçoivent ça, ne peut pas supporter ça. Ça ne supporte pas ça. Fait que le rêve, c'est une protection. Seulement d'un autre côté, même si le rêve est une protection, si c'est un écran contre ces expériences-là, c'est aussi une mesure symbolique de choses qui se passent derrière cet écran-là. Si tu sais l'interpréter, autrement dit, si l'esprit est suffisamment allégé des mécanismes intellectuels là, pour qu'il puisse rentrer et te parler, là, le rêve devient intéressant. Mais faut pas en manger trop non plus. Ça devient fatigant à rêver. Parce que c'est une insulte à l'homme, rêver. Rêver, c'est comme aller voir un film à quatre sous quand tu peux voir une grande pièce de théâtre. C'est insultant à rêver. Moi, mais je peux te dire que quand tu reviens de là et tu te réveilles le matin, d'abord tu te réveilles pas anyway. Mais quand tu te réveilles le matin, tu as de l'énergie pour un bout de temps. Mais c'est de transférer ça au plan d'éveil qu'on a la difficulté. Parce qu'on rêve, ça passe par le rêve, au lieu de passer directement du mental au corps éthérique. Ça devient symbolique, là, puis ça arrête plus. Mais quand tu l'as straight, C'était un coup de masse. Mais plaisant. Mais c'était un coup de masse pareil. Ça, c'est comme l'homme qui va dans le sommeil, puis l'homme qui va dans le sommeil et qui se découvre dans son double. Ça ferait un mot du choc à l'ego. Même dans le sommeil, ça crée un choc à l'ego. Parce que l'ego, il y a une résonance dans le sommeil à travers le corps astral. Fait que ça crée un choc. Ça peut créer un grand effroi, une grande crainte. Les hommes sont protégés de se voir de l'autre bord. Si l'homme se voyait à l'autre bord sans être préparé, il y a la peur. Parce que le double de l'homme, avec son esprit dedans, c'est quelque chose. Quand tu dis que ces planètes-là sont... Quand tu dis que l'esprit de l'homme est fait de l'énergie de ces planètes-là, c'est quelque chose. D'ailleurs, je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, sur la Terre, on parle de l'esprit de l'homme, peut-être pas tard. On parle de l'âme de l'homme, mais on n'a jamais parlé de la réalité de l'homme cosmique, l'homme, la réalité cosmique de l'homme, là, qui est faite de l'énergie de ces planètes-là. C'est inouï, l'homme. Me transmettre ce que vous écoutez, bien ça. Il me dit, si l'homme se voyait avant le temps, il mourrait avant le temps. Puis souvent, quand les gens dans le passé disaient, ah, mais j'ai vu Dieu, c'est eux autres qui voyaient ça. Ça te donne une petite idée. Ah. Tu vois Dieu. C'est toi de l'autre bord que tu vois. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit petit à petit préparé. Puis ça prend un certain nombre d'années. Moi, je sais bien qu'au début de l'initiation, je m'ai vu une couple d'années après. Là. J'ai eu une chienne terrible. Vous avez pu me voir. Là, aujourd'hui, je suis habitué. Mais dans ce temps-là, je n'étais pas habitué. Parce que tu ne te vois pas comme tu te vois en astral. J'ai eu peur terriblement, j'ai sauté dans mon lit demain. Quand tu le vois, là. Ah, c'est très beau, c'est la puissance. C'est la puissance de l'esprit de l'homme. Parce que là, c'est un phénomène d'énergie, c'est plus qu'un phénomène d'amour pour toi-même, tu sais. C'est terrible. J'ai eu bien peur. J'étais fusionné pour ça. Ah, j'ai sauté dans mon lit. Ça parlera à Pierrette, déjà, Daniel, une fois, tu vois, avec ça. Une chienne maudite. Quand tu veux pas te voir, là, c'est parce que. C'est un petit peu trop de terrain. Mais avec le temps, tu t'ajustes. Puis éventuellement, ça se tombe. Éventuellement, mec. Quand t'es bien ajusté, mais là, tu te promènes. Pas toi à la métro. Hein? La première fois, ça crée toujours un choc. Parce qu'on ne sait pas. On n'a pas d'idée. Ça nous prend toujours par surprise. Quand tu t'appelles, tu sais, Bernard! Sacrement, tu dors. Tu lèves. Ça, c'est doux, ce que je viens de dire. Bref. Tu t'appelles, chose. Femme ta gueule, tu sais. Tu te parles. Ah, j'ai eu bien peur. Quoi? Ah, j'ai eu peur. Moi, je vous parle comme que c'est, j'ai eu peur. Ben, t'es pas habitué, c'est une nouvelle expérience. Moi, ça fait partie de mon initiation. Vous t'aurez la tienne. Tu t'appelleras comme tu voudras. Là. Tu te dis. Ouais. Mais je suis obligé de vous dire, ils me disent que pour vous faire prendre conscience qu'il y a d'autres choses en dehors de votre ego. Avant que vous puissiez comprendre, parce que si je passe directement, si je vous dis directement, c'est toi de l'autre bord, là, vous allez vous flatter. C'est au bout, l'ego. Fait que si je vous dis « il », là, je fracture l'ego. Là, je vous fais prendre conscience que toi, t'es d'ici, puis t'es runné d'ici. Puis après ça, ben, plus tard, ben, je vous dis « c'est toi qui es runné d'ici, puis qui te runne d'ici ». Mais je vous dis... Pardon? À ce moment-là, tu peux pas parler de manipulation, mais t'es manipulé pareil, par toi-même. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis, le phénomène de manipulation ou de possession, mais au niveau mécanique, c'est toujours pareil. La partie inférieure est toujours manipulée par la partie supérieure jusqu'à temps qu'il y ait équilibre entre les deux. Ouais, mais ça, quand je dis ça, c'est pour vous rassurer. Quand je vous dis, moi, que j'aime ça être possédé, ça veut dire que je suis bien aujourd'hui dans l'état où je suis. Mais j'ai pas toujours été comme ça. J'ai pas toujours été capable dans les années passées de pouvoir dire que je suis bien de même. Aujourd'hui, je commence à être bien de même. Mais au début des années 70, j'étais pas bien de même. Fait que c'est réellement de la possession. Une intégration. Une union, une intégration. Non, quand je dis qu'ils sont chiens, je veux dire que les forces de l'esprit sont absolues. Alors, plus le rapport entre l'homme et ces forces-là est grand, mais plus ils sont chiens, parce que, tu sais. Mais dans le fond, ils sont pas chiens. Ils sont parfaits, puis nous autres, on est trop imparfaits au niveau de nos corps inférieurs. Quand nos corps inférieurs s'ajustent, à ce moment-là, ils sont plus chiens. Mais aussitôt qu'ils te font souffrir, ils sont chiens, pareil. S'ils me font souffrir demain matin à 11h, ils sont vraiment des chiens. Jusqu'à temps que je souffre plus pendant tout. C'est ton identité. Qu'est-ce que j'avais dit? Rapporte-moi ça comme du monde. Si je dis que c'est une autre partie de toi-même, ça veut dire que tant que vous pensez en termes de vous-même, je suis obligé de dire que c'est une autre partie de vous-même. Quand vous ne pensez plus en termes de vous-même, je dirais que c'est vous-même. Mais si je dis que c'est vous-même tout de suite, là, vous allez m'arriver avec des excuses cosmiques. Tu sais? Ouais. Non, c'est ton identité. Ouais. Moi, je vois comment vous parlez des conversations, je vous écoute des fois, là. Là, vous arrivez avec des excuses cosmiques. Et au-delà de ton identité, tu fais partie d'une chaîne de d'autres. Au-delà de ton identité, oui, parce qu'il y a une hiérarchie. Ça te parle de la même échelle de genre. Ouais. Il y a de connaître d'autres identités, tu peux connaître ta propre identité. Faut que tu connaisses la tienne avant de connaître les autres, effectivement. Quand je me dépersonnalise, c'est pour me permettre de parler plus précisément de choses sans passer par les mots qui font partie de la mémoire et de la personnalité. Pour vous transmettre du matériel qui est moins personnalisé. Pour que vous puissiez saisir plus des mots en fonction de la valeur de l'esprit plutôt que de la valeur de la personnalité.